Ces choses-là vous font-elles peur, à vous? Mais oui, je n'aime pas les embarras de voiture. C'est désolant quand on est seul. J'avais beau crier au cocher d'avancer, il ne bougeait pas. J'étais d'une colère. J'avais envie de monter sur le siège. Je vous réponds bien que j'aurais coupé leur queue. Mais c'est si bête d'être là en toilette vis-à-vis d'un carreau mouillé, car avec cela, il pleut à verse. Je me suis divertie une demi-heure à voir patauger les passants, et puis j'ai dit de retourner. Voilà mon bal. Oh, ce feu me fait un plaisir. Je me sens renaître. François, le thé. Monsieur de Chavigny est donc parti. Oui, je pense qu'il va à ce bal et il sera plus obstiné que vous. Je crois qu'il ne m'aime guère, soit dit entre nous. Vous vous trompez, je vous assure. Il m'a dit 100 fois qu'à ses yeux, vous étiez une des plus jolies femmes de Paris. Vraiment? C'est très poli de sa part, mais je le mérite, car je le trouve fort bien. Oh, voulez-vous me prêter une épingle? Vous en avez à côté de vous. Cette palmyre vous fait des robes, on ne se sent pas les épaules. On croit toujours que tout va tomber. Oh, et celle qui vous fait ces manches-là? Oui. Très jolie. Très bien. Très jolie. Oh, décidément, il n'y a que les manches plates. Mais j'ai été longtemps à m'y faire. Et puis je trouve qu'il ne faut pas être trop grasse pour les porter. Parce que sans cela, on a l'air d'une cigale, avec un gros corps et des petites pattes. J'aime assez la comparaison. N'est-ce pas? Regardez Mademoiselle Saint-Ange. Il ne faut pourtant pas être trop maigre non plus. Parce qu'alors, il ne reste plus rien. On se récrie sur la marquise d'Hermont. Moi, je trouve qu'elle a l'air d'une potence. C'est une belle tête, si vous voulez, mais... C'est une madone au bout d'un bâton. Voulez-vous que je vous serve, ma chère? Rien que de l'eau chaude, avec un soupçon de thé et un nuage de lait. Allez-vous demain chez Madame d'Aigli? Je vous prendrai, si vous voulez. Oh, Madame d'Aigli! En voilà une autre. Avec sa frisure et ses jambes, elle me fait l'effet de ses grands balais pour épousseter les araignées. Mais certainement, j'irai demain. Non, je ne peux pas. Je vais au concert. Il est vrai qu'elle est un peu drôle. Regardez-moi donc, je vous en prie. Pourquoi? Regardez-moi en face, là, franchement. Que me trouvez-vous d'extraordinaire? Et certainement, vous avez les yeux rouges. Vous venez de pleurer, c'est clair comme le jour. Qu'est-ce qui se passe donc, ma chère Mathilde? Rien, je vous jure. Que voulez-vous qu'il se passe? Je n'en sais rien, mais vous venez de pleurer. Je vous dérange, je m'en vais. Au contraire, chère, je vous supplie de rester. Est-ce bien franc? Je reste si vous voulez, mais vous me direz vos peines. Non. Alors je m'en vais. Car vous comprenez que du moment que je ne suis bonne à rien, je ne peux que nuire involontairement. Restez, votre présence m'est précieuse. Votre esprit m'amuse. Et s'il était vrai que j'eusse quelques soucis, votre gaieté le chasserait. Tenez, je vous aime. Vous me croyez peut-être légère. Personne n'est si sérieuse que moi pour les choses sérieuses. Je ne comprends pas qu'on joue avec le cœur. Et c'est pour cela que j'ai l'air d'en manquer. Je sais ce que c'est que de souffrir. On me l'a appris bien jeune encore. Je sais aussi ce que c'est que de dire ses chagrins. Si ce qui vous afflige peut se confier, parlez hardiment. Ce n'est pas la curiosité qui me pousse. Je vous crois bonne et surtout très sincère. Mais dispensez-moi de vous obéir. Oh, mon Dieu, j'y suis, c'est la bourse bleue. J'ai fait une sottise affreuse en nommant Madame de Blainville. J'y ai pensé en vous quittant. Est-ce que Monsieur de Chavigny lui fait la cour? Est-il possible?